Rémi. Alors moi le commun, je le vois du point de vue du récit commun en fait. J'ai l'impression qu'on vit une époque qui va rester, qui va être marquée qui va marquer l'histoire plus que les autres, parce que l'avenir de la planète est en jeu et ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'époque où l'homme devient une force géologique, devient aussi puissant que la nature. Ben maintenant, c'est la catastrophe, ou soit on sauve la planète. Et donc c'est l'ère des super-héros, et des super-héros nouveaux qui ont en ce moment des vies ordinaires et qui plus tard, dans quelques années, vont se révéler. Maintenant, il y a quand même une conscience nouvelle, et Internet est un outil de propagation des messages qui est tellement fort que il y a sans doute des destins qui vont changer l'histoire. Et donc c'est pour ça que je vois le commun comme un récit commun. C'est qui va sauver ou qui va détruire la planète. Et on s'en souviendra tout le temps. Voilà, il y a une sorte de nouvelle histoire, une nouvelle Bible, un nouveau Coran, une nouvelle Torah qui va s'écrire, et pas du tout écrit par une personne, mais qui va s'écrire collectivement. Et du coup, le commun, voilà cette histoire commune que l'on partage. Je l'établis chez Outils, l'atelier même, tout sera à nous, et puis sera l'égalité. Pour moi, c'est ça qui importe, qui est décisif aujourd'hui. Voilà, par nos plus petites actions, on participe à l'élaboration, à la construction de ce récit commun, puisque tout est écrit aujourd'hui, reste en mémoire dans les ordinateurs, dans les serveurs, et même par écrit, et peut être ensuite diffusé un peu partout, et il va y avoir une sorte de charnière qui va rester à jamais, je pense, dans l'histoire, quoi. Peut-être qu'on connaît un âge d'or de la technologie et qu'on va retourner à une technologie plus basique, qu'il va y avoir Internet va être réduit, l'utilisation des machines va être beaucoup plus mesurée, les ordinateurs vont être conservés, vont être réparés pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Et c'est ces années-là qu'on est en train de vivre, là, qui s'amorcent à mon avis. Et finalement, ce qu'on a en commun, c'est toutes les machines qu'on a déjà inventées, qu'on a déjà construites et qu'on pourra partager dans le futur et les avoir de façon moins personnelle. Du coup, je vois le commun comme un partage des technologies aussi. Voilà. Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give in. I search for the castle I lost. Allez, à plus.